pas de limite pour mon bébé, je tuerai 100 fois. J'ai des diamants en streaming que j'enfilerai sur tes 10 doigts. Je sais pas comment ralentir, j'aimerais t'offrir n'importe quoi. Je t'aime comme c'est pas permis, c'est pas permis, c'est pas permis. Bébé, je suis sur Paris, y'a les keufs me mettent sur le côté. J'ai plus de points sur le permis, mais la Berling va les choquer. Tu sais, je suis l'homme de ta vie, donc de ma vie, tu es le trophée. Je t'aime comme c'est pas permis, c'est pas permis, c'est pas permis. Pas mal. Pour elle, j'ai retiré mon pare-balles. Reste ici, ne pars pas. Fais-moi devenir papa. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Plus rien n'est impossible quand je te vois. Pour toi, je peux retirer, tirer, tirer, tirer, tirer, tirer. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Chérie a claqué sans savoir pourquoi. T'es ma moitié ma chérie, mon mica t'es mon mot témoin. Stylé comme dans la série où Khaleesi nous rend fou là. Je t'aime comme c'est pas permis, c'est pas permis, c'est pas permis. Elle est ancrée dans ma peau, indélébile comme un tatouage. Désolé d'adjo, mais je suis obligé de mettre le doigt. C'est pas pour être impoli, mais ton pas du dos me soulage. Je t'aime comme c'est pas permis, c'est pas permis, c'est pas permis. Par balle. Pour elle, j'ai retiré mon pare-balles. Reste ici, ne pars pas. Fais-moi devenir papa. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Plus rien n'est impossible quand je te vois. Pour toi, je peux retirer, tirer, tirer, tirer, tirer, tirer. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Demande-moi de ramener les sommes. Si je peux, je te donnerai. Demande-moi d'en faire des tonnes. Et si je peux, je te donnerai. Je te donne tout sauf téléphone. Il faut pas abuser. Demande-moi d'être ton homme. Demande-moi de ramener des sommes. Si je peux, je te donnerai. Demande-moi d'en faire des tonnes. Si je peux, je te donnerai. Je te donne tout sauf téléphone. Il faut pas abuser. Demande-moi d'être ton homme. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Plus rien n'est impossible quand je te vois. Pour toi, je peux retirer, tirer, tirer, tirer, tirer, tirer. Mon bébé, fais-moi signe quand est-ce qu'on se voit. Ce monde est trop petit, ça suffit pas. Plus rien n'est impossible quand je te vois. Pour toi, je peux retirer, tirer, tirer, tirer, tirer, tirer. Woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman, I'm